Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Montrez-moi une scène de crime », une série de Michel Pomarède réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des images échappées de polars ou de films noirs et que l'on veut mettre à l'épreuve de la réalité. Et il y a une interrogation. Comment côtoyer au quotidien le crime, la mort et la violence sans que cela ne vous ronge petit à petit ? Alors il faut écouter ces hommes et ces femmes, policiers et scientifiques, qui ont vu le pire et qui remettent de l'ordre dans le désordre pour faire parler les traces du 13 novembre. Alors pour commencer, les personnages. Des policiers épuisés face à la plus effroyable scène de crime de l'histoire de l'identité judiciaire. Deux collègues qui ont tout compris, très vite. Un homme qui en a trop entendu. Une femme qui cherche des empreintes. Et une autre qui redonne leur nom aux morts. Ensuite, le décor. Le Stade de France, le Bataclan, des terrasses mitraillées, l'odeur de la fumée, le silence, la morgue, la maison comme un refuge, le terrorisme et une nuit funeste. Aujourd'hui, troisième épisode, on remonte le temps avec Max. Max, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Alors là, c'est la main courante. C'est le cahier d'affaires sur lequel on note au fur et à mesure de toutes les affaires qui tombent et sur lesquelles on se déplace. C'est le cahier de quel jour ? Alors là, nous sommes au vendredi 13 novembre 2015. Alors on commence par un vol fausse qualité de 14h à 15h. Suivi, alors là, on a ensuite un vol fausse clé de 15h à 16h20, donc sur le Paris 6e arrondissement. Un deuxième vol fausse qualité, toujours sur Paris, dans l'après-midi, de 16h25 à 17h30. Et puis, plus rien après, jusqu'à cette affaire-là. 13 novembre 2015. Mobilisation générale à l'identité judiciaire. Michel Pomarède, François Teste. Bonsoir à tous, bienvenue dans Weekend Direct sur BFM TV. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement de la capitale. Une fusillade est intervenue dans la soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Thierry, 13 novembre 2015, oui. Fin de soirée, où est-ce que vous êtes ? Je suis chez moi, assis sur mon canapé avec mon épouse et nous regardons la télé. Je crois que même, oui, c'était les Noces de Figaro sur Arte, je regardais. 13 novembre 2015, Perrine, vous êtes où et vous faites quoi ? Nous quittons notre service avec quelques collègues pour nous rendre à une cérémonie qui est faite en hommage aux victimes du crash de la Germanwings dans les Alpes en mars 2015. Cérémonie qui est suivie d'une invitation au match de foot France-Allemagne au Stade de France. Steve, où est-ce que vous êtes ? Je suis à mon domicile avec ma conjointe. Je regardais d'ailleurs le match de foot France-Allemagne. 13 novembre 2015, Julie, vous êtes où ? Vous faites quoi ? J'étais chez moi. J'étais justement en plus en repos ce jour-là. Début de soirée, Xavier Espinas, où êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? 13 novembre 2015, je suis chez moi. Je suis rentré assez tard. Mes enfants et mon épouse sont encore à l'extérieur. Je me change, je me mets à l'aise. C'est un vendredi soir, donc sentiment de détente. J'allume la télé et j'aperçois le match du coin de l'œil. Je ne suis pas spécialement footeux. Moi, mon ballon à moi, il est plutôt ovale. Et puis, je suis comme tout le monde. J'entends un boom. C'est vrai qu'il y a eu deux grosses explosions qui étaient quand même sont bien particuliers, qui étaient un peu bizarres. Et puis, à la deuxième détonation, c'est vrai que là, on se regarde. Vous savez, même quand vous n'êtes pas au travail, en fait, vous avez quand même cette... Vous êtes toujours un peu sur vos gardes. En fait. Quelques temps après, c'est la mi-temps, mon téléphone sonne et c'est Perrine qui est dans le stade qui me dit « Patron, il y a un truc un peu particulier, on ne comprend pas, mais il s'est passé quelque chose, le président de la République n'est plus dans la tribune, il y a eu trois explosions. » Pendant ce temps-là, j'ai un double appel et je n'ai pas le temps de prendre l'appel. Quand j'écoute ma messagerie, c'est un autre de mes collaborateurs qui me dit « Patron, mettez une chaîne info, c'est chaud. Il y a des fusillades dans Paris, c'est chaud. » Fabrice, 13 novembre 2015. Alors, je suis chez moi. Je regarde, je vois un message de Nicolas, donc mon chef. Je vois ce qui se passe en ce moment. Tenez-vous prêt. Je dis, oh là. Donc, de suite, je regarde la page d'information. Attentat multiple, coup de feu, etc., etc., différents endroits. Et là, de suite, je comprends. Le président de la République qui a été évacué du Stade de France, le nom de code, c'est Vega. Exfiltré. Donc, exfiltré du Stade de France, c'est Vega. Et donc, sur les ondes de la police, on a entendu évacuation Vega, Vega, c'est Vega, fou, c'est le président de la République. Roland, voilà. Qu'est-ce que c'était au match de foot ? Effectivement, on a évacué le président de la République du Stade de France. Attentat multiple. Donc rue du Faubourg du Temple et rue de la Fontaine au Roi. Donc ça c'est le début. Rappel au service des effectifs de nuit qui n'étaient pas de service ce jour-là. Donc ils ont été rappelés au service à 23h, fin de service 11h30 le matin. On a ensuite toujours attentat multiple, café Bonne-Bière, rue de la Fontaine au Roi, deuxième équipe, de 2h à 10h30. Il y a beaucoup de boulot ce soir-là. Donc vous prenez le RER, et entre le Stade de France et le RER, vous voyez des policiers, vous voyez le reste des kamikazes qui se sont fait exploser. Comment ça se passe ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de regagner au plus vite le RER, alors on court. Hein, effectivement, il n'y a personne dans les rues, hormis des policiers qui sont évidemment déjà présents. Et effectivement, on aperçoit des fragments humains. Je pense que nous, on est un petit peu abasourdis. Avec Franck, on essaie de contacter tous les collègues de la section pour les faire revenir. Parce que dans ces cas-là, tout le monde est rappelé, hein, c'est 100% des effectifs. Enfin. Et on regagne notre service. Et on sait que la nuit va être très longue, ouais. Donc, je suis tout de suite parti de chez moi. Donc, forcément, ma conjointe n'était pas au mieux. J'étais parmi les premiers au service. Et donc, on a commencé tout de suite à se préparer, hein, à préparer le matériel, les différents véhicules, s'équiper avant tout, parce qu'on ne savait pas encore exactement tout ce qui se passait. Donc, c'était surtout la tenue avec les rangers, etc., qu'on avait, s'équiper avec le gilet pare-balles, l'arme à feu. Tout ce qu'il fallait pour bien intervenir. En fait, à la fois, on est préparé un petit peu à ce genre de choses. Il y a des stages, des formations attentats, mais quand ça arrive, on pense à plein de choses. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui viennent en tête. Donc, on se retrouve tous à la Sabertillon, qui est le point de ralliement. Et donc, on a des infos. Alors, des informations, c'est un peu épars. On n'a pas tout. Il se dit que, mais bon, voilà. Rien n'est officiel parce que ça continue. Dans le couloir qui dessert mon bureau, on a décroché tous les tableaux qui étaient au mur et on a mis des paperboards pour chacune des scènes. Angle, bicha, machin. Et puis petit à petit, on a préparé des équipes en fonction des gens qui arrivaient, essayer de faire dans l'urgence et pour chacune des scènes ce que nous faisons au quotidien sur des scènes normales, c'est-à-dire réunir un photographe, un plan, un dactylotechnicien ou un collecteur de traces. Et puis là, on commence à entendre parler du Bataclan. Vous êtes dispatché où, Steve, ce soir du 13 novembre 2015 ? Sur le Carillon et le Petit Cambodge. Donc, scène qui se passe à la fois dans le restaurant et dans le bar, mais aussi, surtout à l'extérieur, sur les terrasses, en fait. Donc, avec pas mal de victimes. Des véhicules canardés, des tables retournées, du sang partout. Enfin voilà, beaucoup d'éléments et beaucoup de travail à effectuer. Donc ce soir-là, votre travail c'est quoi ? Alors moi je me suis mis au plan, ce qui est assez compliqué sur place, parce qu'il y avait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, donc on s'est mis à deux sur le plan et deux à la photo. Donc j'ai fait en particulier tout ce qui est extérieur, donc là où il y avait le plus de corps, et puis le carillon. 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, est-ce que vous y étiez aussi ? Non, Charlie Hebdo, j'y étais pas, j'ai fait hyper cachère. C'est vrai que on a parlé beaucoup avec les collègues, on a beaucoup discuté sur place sur la prise en compte de la scène. Ça fait beaucoup de corps sur un même endroit, beaucoup d'indices, on sait pas vraiment par où commencer la première fois. Et c'est vrai que le fait de l'avoir vécu à hyper cachère, où c'était quand même déjà quelque chose d'important, ça a donné des bons réflexes et une bonne vision de la chose, ne pas paniquer, ne pas partir dans tous les sens, essayer de vraiment aller à l'essentiel et de faire le travail le plus précisément possible avec le plus de... comment dirais-je, le moins de perte de temps. Donc la première équipe est partie au Petit Cambodge, à l'Iberbicha, et puis petit à petit, ça s'est enchaîné. Et nous, donc ensuite, avec Perrine et Yves, on devait prendre une voiture et faire le tour des points. Et on a commencé par le Stade de France. Et en même temps, donc pour voir de quoi ils avaient besoin, comment ça se passait. Et donc petit à petit, les infos arrivaient. Et au Bataclan, on savait qu'il s'est passé quelque chose au Bataclan. Et ça a commencé, il y a 5 morts. On se dit, ah, 5 morts, c'est beaucoup. Puis petit à petit, une autre information arrivait, 10 morts. Et puis on dit, quand même. Et puis petit à petit, c'est monté dans la soirée, jusqu'à ce qu'on arrive à ce chiffre dramatique. Xavier Espinasse, à quel moment vous vous dites il faut que j'aille personnellement sur place ? Dès que je commence à comprendre que le nombre de victimes est en train de croître de façon exponentielle, qu'on ne maîtrise plus très bien les chiffres, que tout ce qui est dit va vers quelque chose d'épouvantable, des rumeurs parlent de 200 morts, inimaginable. Donc là, la question se pose même pas. Il faut que je sois sur place parce que je sais que tout le monde va y être, en tout cas toutes les autorités vont y être, et que j'ai besoin de me coordonner avec eux, de prendre des instructions et puis de pouvoir mettre en place le début de mon travail. Étant donné qu'il n'y avait pas de précédent, on n'a jamais été confronté à ce type d'événement depuis jamais d'ailleurs. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à s'organiser sur le coup. Je pense que tout le monde, en plus, on avait l'adrénaline. Moi, quand je suis arrivée, j'étais sur le qui-vive, forcément, et on me dit, effectivement, tu pars avec le prochain équipage sur le Bataclan une fois que l'assaut aura été donné, etc. L'assaut est donné, on nous dit, c'est parti. J'arrive, je me gare et puis je rejoins, je vois, il y a le directeur de la PJ, il y a plusieurs mon collègue chef de la CRIM je vois les pompiers qui continuent à évacuer des gens, je vois sortir des gens dans des couvertures de survie qui sortent par la porte et je vois sortir mon camarade de la BRI, Christophe Molmy, le chef de la BRI, qui sort et qui n'est pas blanc, il est vert, extrêmement marqué, comme on dit, ils ont donné de leur personne. On a des collègues qui ont été blessés, dont l'un d'entre eux assez gravement, et lui, ce collègue Christophe, était en première ligne, c'est le capitaine qui monte à l'assaut pendant la guerre de 14, c'est ça, c'est exactement ça, c'est couloir étroit en se faisant tirer dessus, et il était à la tête de ses troupes. La comparaison pour moi, elle est là, on appelle ça comme on veut, mais enfin, il y a quand même certainement une petite part d'héroïsme là-dedans. On a fait le Stade de France, ensuite on est redescendu au service. On a repris le chemin, on est revenu à l'Iberbicha, où là c'était une scène, c'est dans les cadavres sont dans la rue, 14 personnes je crois qu'il y avait, mais le travail se faisait tranquillement, chacun savait ce qu'il avait à faire, c'était plutôt serein. Là il y avait Steve qui était... Où se trouvaient Steve et Jean-Charles de ma section, et qui avait amené la situation voilà, sans sa folie, travailler, sans... tout allait bien. Enfin, tout allait bien, si je puis dire. En tout cas, pour le travail, pour l'évolution du travail. Steve, d'habitude, les scènes de crime, il y a des enquêteurs, il y a parfois des pompiers. Là, il y a pompiers, foule, journaliste, badaud. Comment est-ce que vous arrivez à vous concentrer pour faire abstraction de tout cet environnement qui peut-être vous gêne dans le bruit ? C'est là où les services, les premiers intervenants police ont très bien fait leur travail. C'est qu'il y avait un périmètre de sécurité qui était... important et qui était vraiment mis à une distance correcte de la scène, c'est-à-dire à au moins 30 mètres dans chaque direction, parce que c'était un carrefour de 4 ou 5 rues. Donc c'était quand même important. Il y avait des véhicules qui bloquaient, un périmètre de sécurité avec pas mal de collègues armés qui protégeaient. Donc ça, c'était très bien fait. Donc ça nous a permis sur place de ne pas avoir de pollution de scène. Le service enquêteur savait très bien comment ça se passait, donc en fait nous a dit clairement dès le début... on vous fait confiance, vous savez gérer ce genre d'affaires, donc on vous laisse faire votre travail, on interviendra après, on vous laisse tranquille. Donc on a vraiment été efficace grâce à ça. Attentats multiples. Bataclan. De minuit 40 à 13h20. Fin de service, 15h30. Là, c'était pour un relevé d'empreintes, des écouvillons sur les auteurs, des prélèvements. Attentats multiples. Donc là, il y a deux points. Donc il y a le local administratif du Bataclan, plus le hall d'entrée. De 13h30 à 20h15. Une deuxième équipe sont sur le deuxième point, de minuit 40 à 13h20. 90 prélèvements. Le 13 novembre, à un moment, le patron vous dit « Fabrice, tu prends une caméra et tu rentres avant le service photo, avant la section traces et indices, et tu nous fais une longue vidéo. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous dit ?» En fait, il y a un protocole qui est mis en place avec le procédurier de la CRIM, c'est-à-dire c'est celui qui est en charge des équipes qui vont faire les investigations sur place. On va d'abord figer les lieux par un film vidéo. Donc bien sûr, il fallait que personne ne soit sur place au niveau des intervenants. Donc nous commençons, nous, à faire le film et après, tout s'est enchaîné. À ce moment-là, les démineurs qui sont à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de gens de faux blessés, ou de fait, non, les blessés ont été évacués, mais des morts qui auraient été des complices et qui seraient piégés, et qu'on pourrait, par exemple, en les retournant, déclencher quelque chose, un surattentat, c'est toujours notre inquiétude, le surattentat. Donc les démineurs sont toujours les premiers à entrer. Et j'entre, alors il y a eu le directeur, et puis je ne sais plus qui d'autre rentre avec moi. Puis rapidement, je me retrouve assez seul. Je suis avec ma combinaison blanche, sur le dos de laquelle un de mes collaborateurs a écrit « Chef IJ ». Cette tenue, aujourd'hui, un an après, Xavier Espinasse, elle est toujours elle est dans mon bureau, elle est pendue dans mon bureau. J'y tiens beaucoup, oui, bien sûr. Elle me remémore cette nuit-là et je dirais c'est le paroxysme. On va dire ça comme ça, oui, le paroxysme de ma carrière. Donc vous entrez, vous voyez quoi ? C'est sombre. C'est sombre, il y a quelques lumières sur la scène, mais pas très claires. Et puis je regarde autour de moi et je m'accroupis, je me souviens que je m'accroupis. Deux réflexions se mêlent en moi, si vous voulez, deux réactions. La réaction de l'homme, qui est immédiatement percutée par la réaction du professionnel. La réaction de l'homme, c'est « waouh ». C'est une horreur épouvantable. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, on n'a jamais vu ça. C'est, enfin, bon, tous les lieux communs qui peuvent sortir dans ces circonstances-là. Et puis, la réaction du professionnel, c'est comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Comment on va gérer cette situation ? Voilà. Il est quelle heure quand vous arrivez au Bataclan ? Qui tient la caméra ? Et est-ce que c'est vous qui filmez ? Oui, c'est moi, enfin... Avec mon chef de section, on est tous les deux à faire les constats. Et c'est moi qui tiens la caméra, oui. Est-ce que vous vous préparez intérieurement à rentrer avec votre caméra et faire face à l'horreur ? Oui. Comment? Le job, quoi. Il faut y aller. C'est notre métier, on est là pour ça. Je peux pas me poser de questions en disant est-ce que je vais être écœuré, pas écœuré. Non. Voilà, le boulot, faut le faire, il est là. Et puis, vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de plein de choses, quoi. J'ai pas de sentiment à avoir sur le moment. Puis ça restera une affaire aussi qu'on va garder en souvenir après toute notre vie, quoi. Mais ça vient par la suite, quoi. On arrive sur les lieux, tout n'était pas encore figé. On voyait encore plein de collègues d'intervention courir un peu dans tous les sens. J'ai des collègues en fait qui font partie de la section des TTC traces technologiques qui rentrent dans le Bataclan. Fabrice Saint-Nicolas. Voilà, pour aller figer les lieux par vidéo. Donc il reste une bonne demi-heure, voire un peu plus sur place. Et ensuite ils reviennent nous voir, ils nous disent effectivement, c'est pas beau à voir. C'est tout ce qu'ils disent. Bon courage, c'est pas beau à voir. C'est quelque chose qu'on a jamais vécu. Voilà. Le fait d'être affairé fait qu'on peut occulter la vision d'horreur à laquelle on a été confronté. Un cadavre, pour nous, c'est délicat de dire ça, mais il faut le comprendre dans la démarche du travail. Pour nous, ça va être un meuble. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Bon, mon collègue dit que c'est un objet. C'est un objet, voilà. Voilà, c'est un objet sur lequel on travaille. Voilà. C'est quand même une scène qui restera gravée, ça. Quand on parle de silence de mort, c'est exactement ça. Hein. Là, l'expression n'a jamais été aussi appropriée que cette nuit-là. Hein. Il règne une espèce de vague odeur de poudre encore. Enfin, bon, c'est un peu... Il y a de la fumée aussi, un peu. Et puis, un téléphone se met à sonner. Et puis, un deuxième, et puis un troisième. Et puis, je crois pouvoir dire que 90 ou 89 téléphones portables se sont mis à sonner. Tous en même temps. Et on a commencé à voir des petites lumières dans les poches de poitrine des gens, et tous les téléphones se sont mis à sonner. Et c'est ça a été un moment extrêmement pénible et dur, et c'est peut-être le souvenir sensitif que j'en garderai, peut-être l'auditif plus que le visuel, vous voyez, par exemple. Hein. Ça, c'est ces téléphones portables qui sonnent, et qui... parce qu'il y a ça n'est pas qu'un téléphone portable qui sonne. Il y a un sens derrière cette sonnerie de téléphone portable. Il y a quelqu'un qui s'inquiète, il y a quelqu'un qui demande des nouvelles, il y a... Bon, voilà. Ça continue à sonner, j'allais dire, jusqu'à épuisement de la pile. Et là, ça va être assez horrible parce qu'on va avoir... on examine les corps et on va sortir de leur poche ce qu'ils ont sur eux, etc. Bon, pour notamment les procédures d'identification, et puis pour l'enquête aussi. Et donc on sort les objets, puis les téléphones portables, ils sont là, puis ils vibrent, quoi. Ils vibrent, ils vivent, et on lit les textos malgré soi, on ne va pas faire autrement. Et donc on voit, donne vite de tes nouvelles, on est très inquiet, et on voit des parents ou des familiers qui ont compris, et qui disent « ce téléphone portable appartient à machin », appeler tel numéro pour nous indiquer ce qu'il en est de son propriétaire. Donc des gens qui ont déjà compris. Perrine, vous êtes rentrée dans le Bataclan. Ah oui. Est-ce que vous avez gardé une image en vous depuis ? D'abord une énorme tristesse pour ça, pour ce qui arrive. Parce que c'est vraiment une scène de guerre, quoi. Même si parfois on fait des homicides où il y a plusieurs victimes, là c'est surréaliste. C'est on est abasourdi. Et finalement, il y a quand même une espèce de silence qui règne. C'est-à-dire que le travail se fait dans une atmosphère qui est assez, même si en fait on bouillonne, hein, je trouve que l'atmosphère était assez calme, assez voilà. Mais je crois que c'est le fait d'être abasourdi de voir ça. Fabrice, vous filmez combien de temps ? Je crois qu'on fait à peu près une bonne demi-heure à l'intérieur de prise de vue. Et après, bien sûr, on a coupé certaines séquences pour après faire un film qui a été joué dans toute la procédure des constatations. Nous, dans notre démarche, il faut figer la scène. Voilà. Il faut qu'on fige. Donc on part d'un plan général jusqu'à un plan rapproché, des détails, etc. Ça, c'est le propre de l'identité judiciaire. Le Bataclan était divisé en plusieurs zones et on s'est tous partagé les zones en binôme avec les services enquêteurs. Vous, vous étiez dans quelle zone ? Premier étage, en bas ? Zone A, zone des kamikazes, au fond du Bataclan. C'est-à-dire que vous, vous avez été au contact avec des corps démembrés, des kamikazes qui s'étaient fait sauter ? Oui, un qui s'est fait sauter donc, sur place, c'était un endroit assez confiné, donc il y en avait un petit peu partout. Son corps était coupé en deux, effectivement, et son ami, son complice, était pareil. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le fait qu'il soit fait exploser à côté de lui qui a tué en même temps son comparse. Les victimes, la majorité des gens, ils avaient possiblement votre âge. Est-ce qu'au moment, vous vous dites ça quand vous parcourez la salle du regard ? Non, parce qu'en fait, je me suis pas attardée sur les victimes, justement. J'ai préféré ne pas les dévisager, regarder, justement, peut-être aussi pour me faire une carapace, hein, pour éviter de trop essayer de s'identifier ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça aussi, il faut, enfin, pour notre force mentale après, pour travailler correctement, il faut pas prendre de compassion pour les victimes. Mais Julie, concrètement, pour faire avancer l'enquête, est-ce que vous prenez des empreintes du kamikaze mort qui est le plus près de vous, par exemple ? Ah, tout à fait. J'ai pris de ce qui pouvait rester des membres, hein, des doigts surtout, pour essayer d'identifier les deux kamikazes. Effectivement, je leur ai pris leurs empreintes pour pouvoir les identifier au plus vite. Ensuite, vous transmettez ça à qui ? À ma chef de section, Périne, qui s'est chargée directement de les faire envoyer chez nous au siège afin de pouvoir les identifier en les passant au FED. Thierry, combien de photos, selon vous, ont été faites au Bataclan ? Combien de plans ont été dressés ? Est-ce que vous avez une vision globale ? Alors, les plans, je ne sais pas trop. Les plans, il y en a eu un paquet. Des plans, il y en a eu 5, 6, voire plus même. Et des photos, ça je peux vous le dire, il y en a plus de 15 000. 15 000 clichés, oui. Oui. Xavier Espinasse, classiquement, sur une scène de crime, on met un cavalier A pour désigner le cadavre. Là, il y a 26 lettres à l'alphabet. Et comment ont été désignés les corps des gens morts ? Alors effectivement, comme vous le soulignez, traditionnellement, nous mettons sur une scène de crime normale, nous utilisons ces petits cavaliers jaunes qui sont numérotés, mais par respect, jamais nous n'identifions un corps avec un numéro. Et donc les corps sont repérés avec des cavaliers portant des lettres. Voilà, c'est une vieille tradition. Là, évidemment, comme vous dites, l'alphabet ne contient que 26 lettres et donc ça ne pouvait pas y suffire. Donc nous avons une procédure particulière, alors que je ne vais pas vous détailler, mais si vous voulez, nous avons découpé le Bataclan en zones et chacune de ces zones portait une lettre. Et donc pour les corps, on aura aussi une dénomination particulière qui part de la lettre de la zone. Thierry, sur le tableau dans le mur de votre bureau, il y a une nomenclature de quoi ? D'une Kalachnikov. Alors on s'est procuré donc cette nomenclature. Donc c'est un dessin d'une Kalachnikov. Toutes les pièces sont mentionnées. Ça peut nous aider pour élaborer les albums, pour les légendes en fait. le canon, le verrou de chargeur. Ça, on ne sait pas forcément que le verrou de chargeur se trouve là. Là, en fait, on se l'est procuré suite aux attentats du mois de novembre 2015, parce que, justement, il y avait de la Kalachnikov sur les lieux, et donc il fallait légender. Donc les pièces, elles n'étaient pas forcément en bon état. Donc s'il faut légender des pièces, ben, au moins on sait de quoi on parle. Le boîtier du culasse, on voit qu'il est là. Le verrou de chargeur, la hausse, par exemple, on ne le trouve pas sur toutes les armes. Le couvre-culasse, c'est pareil. Le tube récupérateur de gaz aussi. Ben, c'est assez détaillé, oui. Est-ce que vous relevez des douilles ? Oui, oui, tout à fait. Bon, on relève tous les éléments d'armes, tout ce qui peut traîner, des fils hein, par rapport à l'explosif. Tout à ce moment-là, de toute façon, je pense que... Enfin, après, on fait le tri, hein, mais sur le coup, on ramasse effectivement tout ce qui traîne sur les lieux. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ou est-ce que vous avez le temps de ressentir quelque chose par rapport à ces corps démembrés de Kamikaze Julie ? Sincèrement, ça ne m'a rien fait du tout, quoi. Enfin, même si on avait pu en rajouter. Non. Mais vous n'avez pas eu un roll-cœur de vous dire c'est deux garçons qui ont... Oui, si, on a forcément... si, on se dit... Enfin, on a de la haine envers eux. Franchement, moi, c'était de la haine, hein, effectivement. Hein. Pour en arriver là, faire autant de dégâts humains, c'est pas normal. Combien de temps passez-vous au Bataclan à travailler sur les cadavres des kamikazes juifs ? Enfin, c'est sur la zone, hein. C'est pas forcément que sur les kamikazes, c'est sur toute la zone qui nous a été affectée, tout à fait. Et donc, bah, en fait, on est arrivé, enfin moi personnellement, hein, avec mon équipe, on est arrivé. Il était bien minuit quand on a commencé nos constatations, minuit et demi. Et on y restait jusque le lendemain, 14h. Attentat multiple. Ça, c'est l'équipe. Donc là, il y a un collègue qui était rappelé de 22h30. Et il a terminé à 15h15. Alors, attentat multiple. De 22h à 6h du matin. Donc là, on s'aperçoit quand même que tous les collègues ont fait des dizaines d'heures supplémentaires, hein, malgré la fatigue. Attentat multiple. Paris 11. Découverte de la victime décédée à son domicile par balle. Dommage collatéral. 26 prélèvements de 15h à minuit 30. Eh bien. En fait, il y avait tellement de boulot, tellement de points qu'ils n'ont pas rappelé tout le monde en même temps. Ils ont pour bien gérer le truc, ils ont rappelé un certain nombre de personnes. Une fois que ces personnes avaient fait. Enfin, voilà. Travaillé des dizaines d'heures. Hein. Donc, une fois que ces personnes étaient fatiguées, ils les ont renvoyés chez eux pour se reposer un peu et puis ils ont rappelé les autres. Système de relève bien géré. Steve, combien de temps vous restez au Carillon et au Petit Cambodge ? Alors, je pense qu'on a dû y être bien avant minuit, et jusqu'à 6h du matin au moins. Et ensuite, on s'est dirigé vers un autre site où il y avait quand même beaucoup, beaucoup de travail, jusqu'à 13-14h, je pense. Vous êtes rentré chez vous quand ? En milieu d'après-midi, je crois. Donc pour essayer de me doucher, dormir un petit peu. Donc voilà, je suis parti toute la nuit, toute la matinée, et le midi en plus. Moi, je suis arrivé à mon domicile à 16h30. J'avais qu'une envie, c'était dormir et pas parler à personne, en fait. Hein. Et votre femme, elle est aussi membre de ce service. Oui. Est-ce qu'elle a vécu la même chose que vous de l'autre côté ou pas ? Alors, elle appartient à la section dactyloscopie, donc ils ont été aussi mis à contribution. Et elle, en plus, elle travaillait, elle était de permanence le week-end. Et donc, bien sûr, elle a fait son travail, en fait, qui était d'identifier des victimes. Elle est partie dans les hôpitaux pour essayer d'identifier les victimes blessées. Et puis voilà. Donc quand vous vous retrouvez chez vous, c'est même pas la peine de se raconter ce que vous avez vécu. Non. Non, non, on n'en parle pas. Non. Donc 13 novembre 2015, vous êtes sur le Bataclan, sur les... Je suis rentrée 10 jours après chez moi, en fait. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 jours? Donc le samedi 14, je suis rentrée vers 15-16 heures. J'ai dormi quelques heures. Et dès le dimanche matin, donc, je suis partie à l'IML pour une dizaine de jours. Mais à l'IML, à l'Institut Médico-Légal du Quai de la Rapée, vous avez fait quoi? Donc là avaient lieu les examens, en fait, du corps des victimes, voilà, afin de rendre plus vite les corps aux familles. Donc c'était une très longue nuit, cette nuit du 13 novembre. Évidemment que le jour d'après, voilà, on parle que de ça, c'est évident, mais puis c'est, voilà, c'est un peu, pour nous, c'est l'affaire du siècle, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, que j'espère on reverra jamais, mais oui, j'étais le plus ancien, moi, les derniers, j'étais le seul à avoir fait les attentats de 95, qui était la plus grosse affaire qu'on avait fait, en tout cas en terrorisme. Et là, ça remet tous les compteurs à zéro, là, entre Charlie Hebdo et le Bataclan. C'est-à-dire que vous vous préparez à de nouvelles échéances dramatiques? Oui. C'est ce qu'on entend aux informations. Prête pas à l'optimisme. Hein, donc oui, on s'y prépare, oui, on s'y attend. Rien n'est pris à la légère, désormais. Après les dernières, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « bon, moi, c'est bon ». Alors non, pas pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, personne n'est venu me voir en disant que j'en peux plus. Et vous? Moi, je continue. Mais je suis déjà beaucoup moins exposé qu'au début de ma carrière, puisque maintenant, c'est moi qui envoie les gars sur place et je n'y vais plus, en fait. C'est pas frustrant? Si, complètement. Complètement. Le travail, voilà, ce qu'on veut faire, c'est être sur les lieux. Ce qu'on veut faire, c'est être dehors. C'est être au contact de l'événement. Si, bien sûr que c'est frustrant, oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce jour du 13 novembre, je suis sorti volontiers, quoi, oui. Oui. Nicolas, vous êtes le chef de la section des traces technologiques. Vous avez fait la vidéo du Bataclan avec Fabrice. Qui vous apporte le téléphone sur lequel vous avez travaillé le lendemain? Un enquêteur qui était diligenté pour aider aux constatations a trouvé dans une poubelle ce téléphone. Tout de suite présenté au directeur d'enquête sur place de la brigade criminelle, a dit tout de suite qu'il faut le faire analyser. Parce qu'il avait dû peut-être voir tout de suite immédiatement ce qu'il avait écrit dessus. Et donc immédiatement il a été amené ici et c'est donc Julie et avec Isabelle qui ont traité ce téléphone. Et donc forcément, il était pris en charge par nos logiciels, donc il est sorti ce fameux texto, c'est parti, on commence. Hein. C'est pas une violation du secret de l'enquête, puisque ça a été dit par François Molins. Et puis d'autres informations, des numéros de téléphone en relation avec la Belgique, et puis des relations qui ont permis aussi de faire avancer l'enquête, et puis ce qui en a suivi, ça c'est pas un scoop non plus, mais on l'a vu, et puis donc c'est vrai que... Mais on l'a fait sans état d'âme, mais il y avait quand même une grosse vibration derrière. Faut trouver vite, on sait pas ce qui peut se passer derrière, imaginez-vous, on est entre la nuit du 13 au 14 novembre, on est tous marqués, on est tous dans le feu, et on se dit qu'est-ce qui va se passer demain soir, qu'est-ce qui va se passer... On s'est tous souvenus de Charlie, parce qu'on a fait aussi beaucoup de choses à Charlie Hebdo. On a fait pareil, on a filmé, il y a eu des téléphones de victimes. Enfin, il y a eu surtout après l'hypercachère. Donc on est encore à fond, donc vite, trouver des informations, les communiquer aux enquêteurs, et ça allait très très vite. Hein. Là, au niveau de la communication, elle se passait très bien, puisque après, vous avez suivi l'actualité, ça a emmené d'autres... d'autres actes d'enquête. Fabrice, à quel moment et comment vous récupérez un enregistrement de tout ce qui s'est passé au Bataclan le soir du 13 novembre ? Alors, on reçoit l'enregistreur sous scellé le mardi, stipulant qu'il fallait que je fasse la retranscription de ce qui était enregistré sur l'enregistreur numérique. D'où sort cet enregistreur ? De ce qui m'a été rapporté, c'était un technicien ou un ingénieur du son du Bataclan qui a enregistré le concert. Et dans sa fuite, en fait, il laisse tout sur place, quoi. Donc, et l'objet va tourner en continu. En continu, il est situé au premier étage et tout va s'enchaîner, quoi. Du moment où les terroristes arrivent sur place jusqu'à à la fin, un peu après la fin de l'assaut de la BRI. Durée de la bande sur laquelle vous travaillez, Fabrice ? 2h38 minutes. Et après, tout va suivre. Hein. Je vais m'installer dans mon local et puis voilà, j'écoute, je retranscris, j'essaie de débruiter, de filtrer, d'amplifier. Je reviens en arrière, je réécoute et je progresse petit à petit, zone par zone. Et j'ai progressé comme ça pendant pratiquement 3 mois et demi. Pendant 3 mois et demi, donc. Fabrice, vous avez eu dans les oreilles la scène de crime massive du Bataclan. Vous avez vécu avec tout ce qui s'est passé. Le soir, vous vous sentiez comment ? Non, ça allait. Non, fatigué parfois, oui. Mais bon, je sais qu'à la maison, ma femme m'a dit par la suite que j'ai pas été facile à vivre sur quelques journées. Voilà. Parfois, suivant les journées, parce que ça demande énormément de concentration, en fait. C'est parfois, enfin, c'est un peu la cacophonie, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, ça crie, ça hurle, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé parfois beaucoup de temps pour, même pas 2 minutes d'enregistrement, pour essayer de comprendre tout ce qui se disait. Le rapport complet doit faire à peu près 70 pages. Il y a un son qui est revenu dans cet enregistrement qui vous a perturbé, c'est lequel ? Perturbé, non, je dirais pas ça. Mais j'ai tellement écouté l'enregistrement qu'en relisant mon rapport, j'entendais à nouveau la voix des gens. J'avais encore le son dans les oreilles. Je reconnaissais la voix de telle personne. Parce que je l'écoutais en boucle, quoi. Et forcément, certains intervenants, je les reconnaissais, quoi. Rien qu'en lisant, j'entendais la voix, quoi. Voilà. Après, il y a des sons particuliers, les sons de certains téléphones qui revenaient assez souvent. Notamment le son d'un téléphone, le son c'était un grillon, une cigarette, je crois que c'était un grillon qui sonnait sans arrêt. Et c'est vrai que cette sonnerie-là, on l'entend assez souvent. Alors, attentat multiple, donc là c'était une perquisition à Alfortville, de 21h à 3h. Et ça continue donc la journée du 15 novembre 2015. Ça continue le dimanche 15, donc assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Donc là c'était à Montreuil, examen d'un véhicule. Et le lundi 16 novembre, retour à... au quotidien en fait de l'identité judiciaire, vol à main armée, vol escalade. Retour à la normale, c'est-à-dire qu'on... Parce qu'en fait, pendant les attentats, toutes les autres affaires, nous, on s'en est pas occupé. C'est un autre service qui les a pris, elles ont attendu. Par contre, à partir du lundi, là, on a recommencé à reprendre toutes les affaires, en plus de tout le boulot qu'on avait suite aux attentats. Parce qu'on a continué les perquisitions, on a continué... les examens de voiture. Ouais, pendant des mois et des mois là, On a eu énormément de boulot. Hein. Et aujourd'hui, Max, un an après, est-ce qu'il y a encore des lignes en rouge sur le nouveau cahier, reprenant le même numéro d'affaires qui dit que vous continuez à travailler sur les attentats de novembre 2015? Il y en a moins, mais il y en a encore. C'est pyramidal. Hein. Donc, il y aura toujours du boulot. Hein. Chaque appartement perquisitionné, on va trouver des indices ou des traces qui vont nous renvoyer sur d'autres personnes qui ont d'autres appartements, et puis ainsi de suite. Donc, et là, je parle des traces, mais il y a les exploitations de téléphone, les voitures. Fabrice, à quel moment vous êtes dit « je suis sorti du 13 novembre » ? Alors, je suis sorti du 13 novembre à partir du moment... après le montage du film des constatations, voilà, qui est venu après ma retranscription. Donc, je fais ce montage-là, je crois que c'est quand je rentre des vacances de février. Donc, je pense fin février, début mars, pour moi, Bataclan, c'est fini. Alors, je repense aux attentats. Si vous décrochez pas des attentats et des scènes que vous avez faites et que vous vous amusez pas et que vous discutez pas à l'extérieur, c'est pas possible. Donc, faut vraiment être précis dans votre travail et être vraiment au boulot à fond quand on est ici. Et une fois passé la porte du service, voilà, vous êtes dans le civil, vous êtes une autre personne et puis c'est tout. Toute la frustration, tout le stress qu'on peut avoir ici, c'est vrai que de faire un peu de boxe, un peu de musculation, un peu de course à pied, comme beaucoup de collègues ici, c'est important, ça vide la tête, on s'entretient aussi, hein, c'est important. Nicolas, avec Thierry et avec Fabrice, on a vu dans les couloirs afficher soutien psychologique, aumônier disponible pour discussion. Comment vous avez vécu personnellement l'après 13 novembre ? D'abord, le soir, tant qu'on est dedans, concentration, fatigue, et puis après tout ce qu'on a vu, ben ouais, le lendemain je suis rentré chez moi et j'ai vu ma femme, j'en ai encore un peu des. Et je me suis effondré en larmes dans ses bras. Voilà, elle a tout compris, il n'y avait pas besoin d'avoir des mots, ça m'a fait énormément de bien. Il fallait que ça sorte. La psychologie est très très très très importante. Même avec les effectifs, il y a eu des larmes aussi, avant que je rentre chez moi, il faut que ça sorte. Alors on a eu des entretiens psychologiques avec une assistante qui est venue au service, par petits groupes, pour discuter, pour partager. Donc ça c'est vrai que c'est toujours intéressant et ça peut permettre à des personnes réservées de pouvoir un peu vider leur sac devant les autres et ça peut permettre de se sentir mieux. Après, c'est beaucoup de discussions entre nous et c'est tout au long de l'année, si je puis me permettre, on en parle tout le temps. Xavier Spinas, vous êtes allé seul boire un café à la Bonne Bière? Le jour de la réouverture, oui. Pourquoi? Parce que j'y étais allé le soir du drame et que j'avais envie, comme tout le monde, de montrer... Là, c'était plutôt plus citoyen que professionnel, quoi. J'avais envie de faire ce geste, et d'aller les voir, de leur dire qui j'étais, et d'être à côté d'eux, quoi. C'est tout. Mais est-ce que vous n'avez pas vu des fantômes ? Non. J'ai pas vu de fantômes. C'était la vie. 10 jours après les faits, la fin du boulot à l'IML était faite. Donc on s'est réunis, voilà, c'était le Beaujolais, on a vu un petit coup ensemble avec... on s'est fait, une saucissonnade, voilà, c'était sympa, voilà. Mais encore une fois, on n'est pas des super-héros, c'est ça que je veux dire. Hein, on fait notre job parce que notre job nous plaît, on est motivé pour le faire. Les victimes, c'est pas nous, hein, c'est le Bataclan. C'est ça qu'il faut bien remettre aussi en place. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'impression de me confier à un psy, là. Novembre a marqué vraiment une rupture, dans le sens où on a essuyé des tas de plâtres différents. On n'a pas utilisé, ou assez peu, le protocole attentat au sens où nous l'avions déterminé auparavant, puisque pour nous, dans nos têtes, l'attentat, c'était l'attentat à l'explosif, avec des victimes polyfragmentées. Et il y a eu à ce moment-là un flou et une certaine confusion due au fait que nous avons appris en milieu de journée le samedi que la procédure d'identification des victimes de catastrophe était déclenchée. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout la main, moi. Je pourrais Concrètement, ça change quoi, cette décision? Ça a beaucoup changé les choses, puisque on est passé d'un travail d'assistance à enquête à un travail qui était plus lié, dans un premier temps, à l'identification des victimes. Alors ça a amené, sur le moment, une espèce de micmac technique. Donc c'est là, ça, c'est un petit peu de notre salade à nous. Mais nous avions, par exemple, à l'Institut médico-légal, sur un seul corps, je pouvais avoir jusqu'à 4 photographes, 2 qui faisaient des photographies liées à l'enquête judiciaire, donc des photographies visant à déterminer les causes de la mort, par exemple, et 2 autres qui faisaient des photographies dans un but d'identification, ce qui n'est pas du tout le même type de boulot. Et tout ça se chevauchait. On a évidemment retenu la leçon. Il faut dire aussi que 130 morts dans un environnement urbain tel que ça s'est produit le 13 novembre, personne n'avait jamais vu ça en France depuis la Libération. Les leçons de novembre ont déjà été mises en œuvre à Nice, après l'événement du 14 juillet. Et que donc on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des choses qui s'étaient bien améliorées, des engrenages qui étaient beaucoup mieux huilés, mais on s'est aperçu que c'était pas parfait non plus, et qu'il y avait des choix que nous avions faits après novembre, on va plus faire comme ci, mais on va faire comme ça, on s'est aperçu que c'était pas forcément très pertinent non plus. Donc malheureusement on avance qu'avec l'expérience. Mais jamais de façon satisfaisante. On connaît bien le proverbe, hein, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que derrière soi. Max, attentat multiple, c'est ce qui revient dans la main courante du 13 novembre 2015 qu'on a feuilleté ensemble. Mais ce soir-là, vous avez fait quoi, vous ? Donc on a pris nos affaires et puis on s'est déplacé au Stade de France. Au sein même du Stade de France, il y avait 3 sites, il y avait 3 kamikazes qui se sont fait exploser. Donc nous on a pris un site, attendant que les renforts de la journée qui avaient entre temps été rappelés viennent faire les 2 autres sites. Donc on a traité un kamikaze qui a fait exploser avec une victime et puis voilà. Donc une image, un son, une impression, un an après de cette série d'attentats multiples, Max. En fait, quand on a eu les collègues au téléphone, les collègues qui regardaient le match au Stade de France, pendant qu'on les avait au téléphone, on a entendu la 3e explosion, en fait. Dans le téléphone ? Dans le téléphone, oui. Ouais. Voilà. C'était un peu surréaliste. Novembre 2015, mobilisation générale à l'identité judiciaire. Merci à Xavier Espinas, le chef du service. Merci également à Perrine, Julie, Thierry, Fabrice, Steve, Nicolas et Max. Réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter Place de la République, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, Nuit calme à l'identité judiciaire pour Max et les hiboux. Et pour encore plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et ne ratez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.